tous les biens, ça s'est pas dit, j'ai fermé l'affaire. Les utiles vétilleux, les ultimes versificateurs. C'est quoi ça les UV? Les Ursulines valeureuses, les UV César. Wouac! Le Vésuve, Gérute à la rupture, Pompéi, Pompée, Babon, Ozone. Les as-tu vus les UV? Les UV, les as-tu vus? Les as-tu vus les UV? Les UV, les as-tu vus? Les as-tu vus? Les UV, les as-tu vus? Les UV, les UV. Les as-tu vus? Les UV, les as-tu vus? Les UV, les UV, les UV. Mais c'est quoi ça les UV? Les humanistes voyeurs. Me voyons sans H. Mais non, pas passer l'H. Pas passer l'H, mais où on va là? Mais UV le guide. C'est bon ça les UV? La crème les UV. Bronzant, mais c'est bien sûr. Bien sûr, il suffit d'un zeste. D'un zeste qui veut dire ZUVÉ, ZUVÉ.